Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, un petit peu magique même, puisqu'on m'a demandé de vous parler du chèque d'abondance. Eh bien, moi je ne connaissais absolument pas, j'avoue. Mais donc j'ai mené ma petite enquête, fait pas mal de recherches, j'ai interrogé également mes proches qui pratiquent ce petit rituel, savoir eh bien, comment ils pratiquent, comment ils font leur chèque d'abondance et surtout qu'est-ce qui a fonctionné pour eux. Et visiblement les retours sont plutôt positifs, donc c'est pour ça qu'on voulait vous en parler aujourd'hui. Et puis je vais vous partager tout ce que je sais, voilà. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de la vidéo pour savoir un petit peu qu'est-ce que le chèque d'abondance, d'où ça vient. Et surtout, comment on le fait. Il y a un petit tuto, vous allez voir, c'est très très court, très rapide, très simple, tout le monde peut le faire chez soi. Voilà. Et puis peut-être plus tard, n'hésitez surtout pas à nous partager vos retours, savoir si ça a fonctionné pour vous. On vous le souhaite en tous les cas. Donc comment utiliser le pouvoir de la nouvelle lune pour attirer l'abondance dans votre vie grâce à ce rituel simple mais puissant du chèque d'abondance? Eh bien c'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite. C'est un rituel en fait qui vient vraiment de pratiques spirituelles très anciennes et visiblement ça a été un petit peu popularisé par les adeptes de la loi de l'attraction qu'on ne présente plus. Donc voilà, le chèque d'abondance est utilisé vraiment comme un moyen de manifester la richesse et tout ce que l'on souhaite voir prospérer dans sa vie. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien c'est juste un chèque symbolique que l'on remplit soi-même en inscrivant, alors ça peut être une somme d'argent bien sûr, mais ça peut être une intention précise telle que l'amour ou encore la réussite, un souhait vraiment très particulier, on inscrit vraiment ce que l'on veut. Et ce chèque, eh bien symboliquement, il représente un engagement envers l'univers pour recevoir ses bénédictions. L'idée donc c'est bien de concentrer notre énergie et notre intention sur ce que l'on souhaite recevoir. C'est hyper important, on parle vraiment d'énergie, hein. C'est la loi de l'attraction, on sait également le pouvoir du cerveau avec le pouvoir de visualisation, donc on n'hésite pas vraiment à concentrer toute son énergie, à visualiser cette réussite, ce projet qui s'accomplit. C'est super important, voilà, d'être vraiment en osmose avec les énergies de l'univers, vraiment. Pourquoi faire ce rituel à la nouvelle lune? Je le disais précédemment, voilà, hyper important, on le rédige dans les 24 heures qui suivent la nouvelle lune. Donc pour ça, on se réfère bien sûr au calendrier lunaire. La nouvelle lune, on le sait, c'est un moment puissant pour les nouveaux départs. Dans de nombreuses traditions spirituelles, la nouvelle lune, ça symbolise, on le sait, le nouveau cycle. C'est donc une période idéale, hein, vraiment pour se lancer dans des objectifs, initier des projets. Et donc, quand on réalise ce rituel du chèque d'abondance à la nouvelle lune, eh bien, on synchronise nos énergies avec celles de la lune et ça augmente comme ça vraiment la puissance de l'intention pour attirer ce que l'on désire dans sa vie. En d'autres termes, on peut dire que la nouvelle lune, c'est un petit peu comme un point de départ qui donne un élan supplémentaire à nos souhaits. Donc il ne faut surtout pas hésiter, on se réfère bien au calendrier lunaire, donc 24 heures après la période de la nouvelle lune. Donc maintenant, comment procéder au chèque de l'abondance? Eh bien vous allez voir, c'est vraiment très simple. Donc soit vous avez déjà un chèque vierge chez vous, ça fonctionne. Sinon, vous pouvez très bien prendre une feuille de papier pour y inscrire toutes les bonnes informations. Donc papier, stylo, ça on a à peu près tous ça chez soi, normalement. Et voilà, je vais vous guider étape par étape. En 1, donc on prend notre chèque, vous allez voir, moi, hop, c'est juste une petite feuille de papier, hein. les étoiles, c'est comme on veut. Étoile, pas d'étoile, couleur, pas couleur, c'est vraiment comme on veut. Encore une fois, on parle vraiment d'énergie. On écrit donc... Oui, voilà, j'ai mis la banque de la gratitude de l'univers, la date, j'ai mis la date de la prochaine nouvelle lune, vous mettez bien sûr la vôtre, hein, ça marche pour toutes les nouvelles lunes, payer à l'ordre 2, donc j'ai mis mon prénom, voilà, jusqu'ici tout va bien, vous allez voir, rien de très très compliqué. Inscrivez le montant, donc somme à payer, donc là on met vraiment l'intention que l'on souhaite voir se réaliser. Bon, ça peut être encore une fois un montant d'une certaine somme, mais bien sûr ça peut être tout autre projet, un tout autre désir, et donc voilà, ça c'est vraiment propre à soi, c'est pour ça que je ne l'ai pas inscrit, je le garde un petit peu secret, c'est entre l'univers et moi, rien que ça. Donc on n'hésite pas à écrire son propre souhait à proximité ou dessous, payer intégralement. Voilà, ça c'est super important, ça signifie tout simplement que l'univers va nous fournir tout ce dont on a besoin, sous toutes ses formes. Donc voilà, donc la somme à payer, ce que l'on désire, et tout de suite dessous, à proximité, payer intégralement. Ensuite, ben, comme tous les chèques, on les signe. Donc, à la place de notre signature, on signe par exemple par la loi de l'abondance. C'est ce que j'ai fait, ou par un terme qui résonne un petit peu mieux pour vous, comme par exemple l'univers ou le créateur. Voilà, ça, c'est vous qui voyez. Voilà, moi, j'ai signé la loi de l'abondance. Voilà, ça, c'est vous qui voyez. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple. Payer à l'ordre de le prénom, la somme à payer, ce que vous désirez, à proximité, payer intégralement, et la signature, donc la loi de l'abondance. Vous voyez ? Ensuite, hyper important, encore une fois, on parle d'énergie, c'est pas juste écrire sur un papier, donc on s'en concentre bien, on visualise bien ce que l'on désire, c'est vraiment super important. Pour activer le chèque, on prend un moment, donc on visualise notre vie avec cette abondance-là. Donc on essaie quand même de ressentir la gratitude comme si on avait déjà reçu ce que l'on désirait. J'en parlais tout à l'heure, c'est un petit peu comme c'est ce pouvoir de la visualisation. Un sportif de haut niveau qui va visualiser la victoire, et bien tout simplement il se met dans des bonnes conditions, et bien là c'est un peu pareil. Donc on pratique, on ressent la gratitude vraiment comme si on avait déjà reçu ce que l'on désirait. On place ce chèque d'abondance dans un endroit sûr où on peut l'oublier. Voilà. Bien sûr, on peut y penser, mais voilà, on ne s'accroche pas non plus dessus. On peut le poser quelque part, l'oublier. Après, voilà, c'est vraiment c'est transmis à l'univers. Ou alors, on peut également choisir d'afficher son chèque d'abondance, tout simplement, sur le frigo ou pas, vous voyez, et voilà, dans un lieu bien en évidence. Et comme ça, on le voit le plus souvent possible. Et dans ces cas-là, ben, l'esprit va s'habituer à le voir, s'habituer à l'idée de recevoir ce montant, celui qui est inscrit sur votre chèque. Donc ça, c'est vous qui voyez. Soit à l'abri dans un coin et on l'oublie, soit si vous vous sentez plus de vous le prendre comme motivation, comme un petit peu comme on le fait pour un mood board, hein, vous le gardez à proximité, vous y jetez un coup d'œil de temps en temps, et surtout on ressent la gratitude, on le visualise, et voilà, encore une fois on pense énergie. Vous me direz que faire une fois que l'intention s'est réalisée ou en cas de changement d'avis. Ça, c'est un petit peu le service après-vente. Donc, une fois que les intentions sont réalisées, eh bien déjà, on remercie l'univers, bien sûr, pour l'abondance reçue. Ça, c'est super important. On peut encadrer le chèque si on a envie, le déchirer, le brûler ou le jeter à l'eau. Toujours avec gratitude, bien sûr, en montrant vraiment de la reconnaissance pour la réalisation de cette intention-là. C'est super important. C'est une action qui symbolise la libération de l'énergie, le fait de s'en débarrasser. Et on fait là de la place pour de nouvelles intentions, parce que bien sûr il y en a souvent qui arrivent après, hein. Une fois qu'une intention est arrivée, on a toujours l'étape d'après. Si par contre on ressent que notre chèque d'abondance, que notre intention, elle ne nous convient plus, ou qu'on change d'avis, ça peut arriver, on le sait, et bien là aussi il n'y a pas de souci, on peut simplement écrire sur notre chèque annulé. Comme on le fait sur nos chèques à nous, ou alors, eh bien pareil, on s'en débarrasse de la même manière. On peut le déchirer, le jeter à l'eau, l'annuler, le détruire d'une quelconque manière, mais en fait, voilà, on laisse place libre à de nouvelles énergies, et à ce moment-là, eh bien, on peut tout simplement remplir un nouveau chèque avec une nouvelle intention. Voilà, et encore une fois, donc, le plus important dans tout cela, c'est bien une histoire de visualisation, d'énergie, de se projeter, et bien sûr de gratitude. Faut jamais oublier de remercier, hein, quand on a des bonnes choses qui nous arrivent, il faut jamais oublier de remercier l'univers ou toute autre puissance à laquelle on croit en tous les cas. Voilà, donc n'hésitez pas à essayer ce petit rituel à la prochaine nouvelle lune. Vous pouvez vous taper dans les moteurs de recherche les calendriers lunaires, il y en a plein. Je vous invite à partager surtout votre expérience et vos résultats dans les commentaires de la vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos sur des rituels ou encore de l'astrologie. N'hésitez surtout pas, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains rendez-vous, et puis voilà, pour éliminer notre chemin vers l'abondance. N'hésitez pas, on se retrouve très vite pour un nouveau sujet, un nouvel horoscope, de nouveau, plein de nouveautés. On vous embrasse très fort, à très vite. Ciao.